pas d'excuses, pas de pardon, pas de tristesse, pas de passion, pas d'amour. Mon cœur est blessé, pas de pitié, pas de raison, pas de quartier, pas de déviation, pas d'amour. Mon cœur est lassé, c'est de la folie, de l'hypocrisie, c'est de la démence, de l'insouciance, des illusions, des fausses joies, des faux sourires, des fausses rencontres. Et je m'en vais voir ailleurs une presqu'île. Et je m'en vais voir ailleurs une presque vie. Par les chemins, je n'arrive plus à rien. J'arrive entre sable et mer, je n'ai plus rien. Le lointain me fait du bien là-bas, plus loin, où j'aperçois, et je nage droit devant là, j'y crois. J'avance sans penser à revenir, je suis loin du point où je me voyais. Où j'étais, je suis loin, mais derrière le sable est loin, bien, bien trop loin. Autant continuer, plus rien à perdre, plus rien à gagner. Juste continuer, rien de mieux, rien de mieux. Nager sans plus penser. À tout oublier, continuer, tourner en rond, ou aller droit, rien, il n'y a plus de chemin, plus rien derrière, et la même chose ailleurs, tout se ressent, plus rien, mais rien ne s'assemble. Je m'essouffle, je me fatigue sur le dos pour se reposer et dans le ciel, pas un vaisseau, tout a dégagé. Je commence à m'inquiéter, mais vers où aller? Être seul pour l'immensité, je me sens mal, je m'affole, je m'excite, je m'agite, je m'excite, je m'agite, ou ah, je m'excite, je m'agite, ou ah, commence à faire froid, faut rentrer, y penser, revenir. Du moins essayer, ou c'est la perdition, je ne reviendrai jamais, j'ai bugué, le processus a planté, ma machine s'est détraquée, j'ai les pommes. J'ai les poumons dans l'eau, je me remplis. Laisse-toi aller, je me laisse, tant pis. J'espère seulement avoir fini les choses à faire avant d'y aller. Juste me ranger pour arriver à terminer. À terminer. N'oublie pas de t'occuper des roses. Love, love, I leave love. Look the world. Look the country. I don't leave the rest. I don't leave your identity.